La deuxième shubha, هي أن دخول الدخول في الانتخابات من باب الضرورة. أي أنا je veux voter pour fulan لأن c'est une ضرورة. C'est une nécessité. Là, bout, je vote. Si je vote pas, il y aura kada, kada, kada. Awalan, tu dois savoir c'est quoi une daroura. Sanyan, tu dois savoir c'est quoi les shurut. Troisièmement, compare l'intikhabat avec ce que tu as compris. Et tu verras. Famathalan, al-daroura, ou al-muttar, قال الشيخ مقبل رحمه الله المضطر هو الذي يخشى على نفسه من التلف أو يخشى أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يحتمله. فساء المضطر. المضطر c'est une personne qui ne fait pas la chose قد يتلف. Il peut mourir. Il peut tomber malade. Maintenant, une personne, il a plus d'eau. Ou il a plus de quoi manger. S'il ne mange pas maintenant, il trouve une bête morte. S'il ne la mange pas, Kadjemout. Ou il peut tomber dans le coma, il a arrêté son cas, il s'aggrave. Il est où le terror fil intikhabat? Tu ne votes pas, tu vas mourir. Tu vas tomber malade. Vote ou vote pas, ça sera la même chose. Il n'y aura pas de changement. Amanta, tu te feras du mal. الآن ستكبخي الضرورة اعلم أن الضرورة لابد من شرطين أي ستعمل tu veux le repousser et t'as qu'un haram. On donne l'exemple, une personne, il a plus de quoi manger. Et il trouve une bête morte. La bête morte, elle est haram. الآن pour qu'il mange cette bête morte, il faut deux conditions. Et nous, on appliquera ça sur l'intikhab. الأولى قال الشرط الأول هذا من كلام الإمام العثيمين رحمه الله قال الشيخ ابن عثيمين الممنوع يباح للضرورة ولكن بشرطين. أساس القاعدة أن الضرورة تبيح المحظورات. أي si t'as pas le choix t'as le droit de faire le haram. C'est ce qu'on appelle الضرورة لكن avec deux شروط لأن بعض الناس توسعوا في هذا. الآن chaque chose il dit ضرورة. الجمعية ضرورة, الانتخابات ضرورة, التحزب ضرورة. Tout ça c'est كلام فارغ. الشرط الأول أن نضطر إلى هذا المحرم بعينه, بمعنى أن لا نجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم. Ça c'est la première chose. C'est que pour repousser ce mal, ce ضرر, pour le repousser, t'as que cette chose de haram. Mathalan, une personne, il va mourir de faim. Il ne trouve pas de quoi manger, il a du porc ou une bête morte. Et Adal, s'il ne trouve rien, et il peut périr, il a le droit de manger. Il a le droit de manger pour sauver son œuf. Il y a juste là. Ce n'est pas haram pour lui. Al-An, s'il y a une bête morte, et à côté, il trouve des aliments halal. Là, il y a juste, il touche la bête morte. S'il touche la bête morte, il tombe dans le haram. Il est obligé de manger le halal. Al-An, les élections. أولا c'est pas une daroura. Ici مثلاً نحن on vote pas, alhamdulillah. Il y a plein de frères dans, en France ou autre, ils votent pas, alhamdulillah, ils se portent bien. من باب الجدل مع هؤلاء, si on dit c'est une daroura, est-ce que pour enlever ce mal مثلاً on va prendre en France, Bardana c'est des daroura, si tu votes pas, ils combattent le din, tu peux plus appliquer ton din, ils te mettent la machaka dans ton din, des difficultés. Al-An, est-ce qu'il n'y a que les élections pour enlever ce char? On va te donner une solution. Al-Hidra. Al-Hidra. S'ils te font du mal, ils ne veulent pas laisser appliquer ton din, quitte le pays, et bien, idnillah, va dans les pays musulmans, tu n'auras plus de mal. Al-Iman, va te donner cette solution. Mashrou'a. Et tu vas vers des choubah. Man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi al-haram. Ça, c'est le premier short. Le deuxième short. قال أن تندفع الضرورة به فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم وإن شككنا على هل تندفع أو لا فإنه يبقى أيضا على التحريم. Deuxième condition, c'est que tu es sûr, si tu fais haram, la darura elle s'enlève. مثلا une personne va mourir de faim, il trouve une bête morte, la chaque que celui qui mange de cette bête morte, ça va lui être utile. Tu as des hal. S'il trouve que ça, il y a juste, il mange. Al-An, il va mourir de faim, il trouve de l'acide. C'est un liquide, peut-être ça va me remplir l'estomac, je vais m'en sortir. Fiad al-Hal, on lui dit là. On lui dit là. L'acide, elle va te rajouter des dharar à la dharar. Fiad al-Hal, t'as pas le droit. Esbir, si tu meurs, t'avais pas le choix. Al-An, on